Chers auditrices et auditeurs de Radio Sanganiro, bienvenue à ce journal de la mi-journée de ce dimanche. Voici d'abord les grands titres. L'école fondamentale Rurindi de la commune Mabayi enregistre plusieurs difficultés, comme le manque d'enseignants des cours de sciences et manque de plus de 200 bancs pupitres, comme signalé par le directeur de cette école. Les agriculteurs de la commune Bugendana qui ont des champs dans le marais de Kagogo disent qu'ils enregistrent de lourdes pertes liées au fait que les barrages d'irrigation de ce marais ont été détruits depuis un long moment sans être réhabilités. Et comme tous les dimanches, vous aurez droit à la chronique nutrition. Ça sera sur les bienfaits de la pomme de terre. La radio de l'avenir. Les agriculteurs de la commune Bugendana qui ont des champs dans le marais de Kagogo disent qu'ils enregistrent de lourdes pertes liées au fait que les barrages d'irrigation de ce marais ont été détruits depuis un long moment sans être réhabilités. Cela rend alors impossible la riziculture dans ce marais. Ils réclament sa réhabilitation. Le directeur provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Gitega les tranquillise, disant que son marais sera réhabilité sans toutefois préciser la date. Le point avec Gérard Nibigira. Certains des agriculteurs de la commune Bugendana qui ont des champs dans le marais de Kagogo dont les barrages d'irrigation ont été détruits disent qu'ils ont enregistré et enregistré toujours des pertes énormes dans la mesure où ils ne cultivent plus le riz depuis un certain temps. Ils précisent que dans leurs champs qui naguère servaient de culture de riz, maintenant ils y plantent d'autres cultures telles le haricot, le maïs, la patate douce et autres. Ils demandent que ce marais de Kagogo soit réhabilité afin qu'ils reprennent la culture du riz, tout en regrettant le fait qu'ils avaient eu la promesse de sa réhabilitation, mais en vain. Ils proposent l'intervention des partenaires qui s'intéressent au secteur agricole pour réhabiliter ce marais. De son côté, le directeur du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Gitega, Oscar Uikunze, les tranquillise quand il fait savoir que ce marais de Kagogo fait partie des autres marais qui seront réhabilités sans toutefois préciser la date. Il ajoute que le dossier relatif à ce marais a été déjà transmis à qui de droit pour traitement. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigera. Rendons-nous cette fois-ci à Chibitoke, l'école fondamentale Rurindi de la commune Mabayi enregistre plusieurs difficultés comme le manque d'enseignants des cours de sciences et le manque de bancs pupitres, de 200 bancs pupitres à cette école, le manque de latrines, des livres pour le quatrième cycle, du personnel d'appui et autres est également signalé. Le directeur de cette école demande aux autorités habilitées de trouver une solution à tous ces problèmes. Alexis Ndeiragidje. L'école fondamentale de Rurindi, se trouvant à environ 20 km du chef-lieu de la commune Mabayi, manque des enseignants de sciences et technologies, les anciens s'y trouvant ayant terminé les langues. Sur ce, le directeur de cet établissement, Lambert Moussavimana, est content d'enseigner les maths, assurant également le poste de préfet des études, d'économe, de secrétaire et d'encadreur. À part ce problème d'enseignants, le directeur Moussavimana précise que cette école a un manque de plus de 200 bancs publics. Pitre de latrine, celle existante ayant été démolie dernièrement par les pluies. Cet établissement manqua également des livres de classe de 4e cycle, ceux disponibles étant achetés par la contribution des parents. Suite au manque de sections pour le système post-fondamental, les lauréats des classes de 9e sur les coffres Rurindi préfèrent abandonner les études, se directeur demandant la session pour son établissement. Concernant ce problème, l'inspecteur communal de l'enseignement Mabayi Adronis Arakarama indique que cette situation est déjà connue tout en affirmant qu'au sein de la direction communale de l'enseignement Mabayi, on est en train de choisir la section qui sera bénéfique pour les jeunes de la localité de Rurindi à transmettre aux échelons hiérarchiques. Cet inspecteur tranquillisant son directeur de l'écofort Rurindi que d'autres problèmes que connaît cet établissement sont en train d'être étudiés afin de trouver des solutions. Concernant le problème de manque de salle de classe, le gouverneur de la pointe Chibitoke, Kaya Mizoza, accompagné par le président de la Cour suprême, Emmanuel Gateretse, s'y était rendu ce samedi pour les travaux communautaires. 5 salles de classe ayant été pavées pendant ces travaux. Depuis Chibitoke, Alexine Dairagije, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h03, poursuivons par la page Société, les motards de la province Bubanza se lamentent de la façon dont ils sont traités par les policiers chargés de la sécurité routière. Ces derniers sont accusés d'infliger à ces motards des sanctions qui sont en dehors de la loi, comme des coups de gifle et des détentions jugées illégales. Ces motards demandent à ces policiers de les sanctionner conformément à la loi et de leur côté. Les policiers contactés nient toutes ces allégations et demandent à leur tour aux motards d'éviter plutôt des tricheries dans leur travail. Spes Caritas Cavagnana. Les motards que nous avons approchés se lamentent et disent que quelquefois, les policiers en tenue civile s'improvisent au parking et attrapent les motards et leurs motos, les accusant d'avoir commis des fautes quelques jours avant. Ils déplorent également une amende jugée exorbitante, exigée 90 000 francs, 120 000 francs et même plus de 200 000 francs selon les motards contactés pour avoir transporté plus d'un client ou pour avoir refusé de s'arrêter à la barrière. Les motards disent aussi que certains policiers leur donnent des coups, des gifles et demandent que les policiers travaillent conformément à la loi. De leur côté, certains policiers que nous avons approchés ont nié toutes ces accusations. Ils reconnaissent cependant qu'une amende peut être élevée quand les fautes sont nombreuses, comme le transport de plusieurs clients, le manque de documents exigés, le manque de casques et autres. Ils demandent plutôt aux motards de travailler conformément à la loi. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Je vous l'avais annoncé dans les titres, les pommes de terre contiennent beaucoup de vitamines, à savoir E, B1, B6 et C. Et selon le chercheur nutritionniste Jean-Paul Winieza, la pomme de terre soulage aussi les douleurs gastriques. Contient une quantité impressionnante de vitamines et des minéraux ayant des effets bénéfiques pour la santé chronique. Nutrition avec Jean-Marie Mayonga. La pomme de terre est riche en potassium, magnésium et contient beaucoup de vitamines. Selon Jean-Paul Winieza, chercheur nutritionniste, la pomme de terre participe efficacement à la couverture de nos besoins quotidiens en vitamines et minéraux. La pomme de terre renferme beaucoup de la vitamine C, renferme beaucoup des hydrates de carbone, protéines, mais les protéines ne sont pas en quantité significative. Elles ont une glande, même si la pomme de terre renferme aussi des protéines, mais une quantité très moindre qui égale 2,07%. La pomme de terre renferme des minéraux, sodium, mais le sodium qui se trouve dans la pomme de terre, c'est très moindre que le potassium. Elles ont une glande valeur biologique, c'est-à-dire qu'elles apportent des acides aminés dont notre organisme a besoin dans une proportion qui favorise la croissance. La pomme de terre a un effet antiacide pour les personnes qui ont un problème de l'estomac. Elle diminue les douleurs de l'estomac, selon Jean-Paul Winieza. La pomme de terre a un effet antiacide, c'est-à-dire pour des personnes qui souffrent des problèmes de l'estomac, gastrite ou bien ulcère gastrique. Au fait, la pomme de terre, c'est un aliment relativement alcalin, capable de neutraliser l'excès d'acide. Cette action alcalinisante se produit aussi bien localement dans l'estomac que dans le sang et dans l'iris. Les pommes de terre, notamment en purée, sont très recommandées en cas d'hyperactivité gastrique, de gastrite, d'ulcère de l'estomac, d'ébtose gastrique, c'est-à-dire l'estomac tombant, des névroses gastriques, c'est-à-dire des nerfs portant sur l'estomac, et en général, dans tous les cas de digestion difficile ou de l'estomac délicat. La pomme de terre soulage le travail des reins et nettoie le sang, selon Jean-Paul Winieza. En cas aussi d'affection fonction des reins. La pomme de terre peut s'utiliser. Les pommes de terre alcalinisent le sang et l'urine en favorisant l'élimination des substances acides et acides toxiques. Ainsi, elle soulage le travail des reins et épure ou bien nettoie le sang. La pomme de terre, appelée aussi Solanum tuberosum, est une plante originaire d'Amérique du Sud qui offre de nombreux bienfaits et vertus pour la santé. Avant de mettre fin à cette actualité internationale, au Gabon, il n'y aura pas d'observateur de l'Union européenne aux prochaines élections. Le pays doit organiser cette année un triple scrutin présidentiel, législatif et local. Comme nous le lisons sur le site internet de RFI, les représentants de l'Union européenne ont annoncé qu'ils ne déployeraient pas d'équipe pour surveiller le processus de vote. Un signe inquiétant pour l'opposition, comme nous le lisons toujours sur ce site internet de RFI. Pour l'opposant Jean Gaspard, vice-président de l'Union nationale, l'absence de ces observateurs ne présage rien de bon, puisque la mission d'observation de l'Union européenne est notoirement connue comme une mission sérieuse et fiable. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Alphonse Kougimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Ornella Mocho.